إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون إخوة الإيمان والإسلام لكل عامل في هذه الحياة أهداف ولكل مجتهد غايات والناس بين عامل يريد الدنيا وزينتها ومجتهد يريد الله والدار الآخرة يصرف لذلك أوقاته ويبني نفسه ويجهد بدنه يبتغي بذلك الأجر والمثوبة يتورع عن المحرمات ويبتعد عن الموبقات وبين عامل خلط عملا صالحا وآخر سيئا أكثر من الصالحات فصام وصلى وزكى وفعل الخير بيد أنه لم يتورع عن المظالم ولم يتجنب المحارم وأكل الحقوق والتعدي على الناس ولم يستنكف عن القبيح ولم يتجافى عن الظلم فيفضي إلى ربه يوم القيامة ولديه رصيد من الحسنات وآخر من المظالم والسيئات فإذا نصبت موازين رب العالمين واقتصر المظلومين من الظالمين تبين له الخسران المبين والإفلاس الحقيقي يوم لا يكون ثمة درهم ولا دينار ولا أورو ولا دولار ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات فعن ذلك الموقف العظيم روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم إذن أيها الإخوة الكرام ليس المفلس الحقيقي من ليس له مال أو قل ماله وإن سماه الناس كذلك وإنما المفلس الحقيقي الذي يعمل صالحا في الدنيا ويظلم الناس ويأكل الحقوق فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم ألقي في النار فتمت خسراته وهلاكه وإفلاسه Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. » Chers frères et sœurs, chaque personne œuvrant ici-bas possède des buts et chaque effort accompli possède un objectif. Et les gens œuvrant sont de plusieurs catégories. Il y a celui qui désire ce bas monde et ses parures, et celui qui œuvre pour Allah est la dernière demeure. Et pour cet objectif, il consacre du temps et il s'épuise et fatigue son corps en espérant la rétribution et la récompense, en délaissant les interdits et en s'éloignant des péchés capitaux. Il y a également celui qui a mené de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il a fait beaucoup de bonnes œuvres, il a jeûné, il a prié, il a donné la zakat et il a fait beaucoup de bien. Sauf qu'en contrepartie, il ne délaisse pas les injustices, ne s'éloigne pas de l'illicite, il ne s'éloigne pas de dévorer les biens des autres illicitement ou de leur nuire. Il n'abandonne pas les péchés et il se présentera le jour de la résurrection devant son Seigneur en possédant un solde de bonnes actions et un autre d'injustices et de mauvaises actions. Puis, lorsque les balances d'Allah Azza wa Jal seront élevées et que les victimes se vengeront de leurs agresseurs, la perte évidente apparaîtra et la véritable faillite apparaîtra également le jour où il n'y aura ni monnaie, il n'y aura pas de dinar, ni de dirham, ni de euro, ou bien de dollars, ni de voiture, ni de maison. Il n'y aura ce jour-là que les bonnes et les mauvaises actions. El hasanat wa sayyi'at. Et le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, nous parle de cet événement difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est celui qui a fait faillite, al-muflis? Les compagnons radiallahu anhu ont dit: c'est celui qui n'a plus d'argent ni de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: celui de ma communauté qui a fait faillite arrivera au jour de la résurrection avec ses prières, avec son jeûne, avec son aumône, alors qu'il a insulté un tel, il a accusé à tort un autre, il a escroqué un tel, il a fait couler le sang d'un autre et il a frappé un tel. Et on donnera à chacune de ses victimes ses bonnes œuvres. Si ses bonnes œuvres s'épuisent avant qu'il n'ait compensé toutes ses victimes, on retirera de leurs mauvaises actions pour les lui attribuer et il sera ensuite jeté dans le feu de l'enfer. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc la vraie faillite n'est pas celui qui n'a pas d'argent ou celui qui ne possède que peu d'argent, même si les gens appellent cela une faillite. En réalité, la vraie faillite est celle que nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Celui qui fait des bonnes œuvres ici-bas, mais est injuste avec les gens et les prive de leurs droits, ses bonnes œuvres seront données à ses créanciers, puis lorsqu'il ne possédera plus de bonnes actions, ils seront jetés sur lui, ou bien seront jetés sur lui, les mauvaises actions de ses victimes, et il sera ensuite jeté dans le feu de l'enfer. À ce moment-là, apparaîtra sa perte et sa faillite. Et voilà pour tout cela. Naam. لقد صلى وصام وزكى ولكنه أضاع أعماله بالتعدي على الناس والتطاول على أعراضهم فشتم من شتم منهم وليس هذا من خلق المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. إذا الناس من يسب الآخرين ثم ينسى ويظن أن كل ذلك هين وسهل عند الله تبارك وتعالى. وكذلك منهم من قذف أعراضا للمسلمين بريئة من كل عيب أو نقص، فدنس طهرها وثلم حسنها إذ رماها بالزنا ووصمها بالفاحشة، فأتى بابا من أبواب الكبائر بظلم وبهتان. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. Chers musulmans, en effet, cet homme n'est pas venu au Qiyama qu'avec des mauvaises actions pour être jeté en enfer. Non, il a prié, il a jeûné, il a donné la zakat, mais il a gâché toutes ses œuvres en nuant aux autres, en s'attaquant à leur honneur et leur réputation, en insultant ceux qu'ils ont insultés. Et cela ne fait pas partie du caractère du musulman. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant n'est pas injurieux, ni maudisseur, ni grossier, ni indécent. Rapporté par At-Tirmidhi. Beaucoup de gens insultent. Ils insultent les autres en pensant que tout cela est facile et a peu de gravité auprès d'Allah Azza wa Jal. Et voilà ce hadith qui nous montre le contraire. Également, le fait d'accuser les croyants d'accusations desquelles ils sont innocents, en souillant leur pureté, en les accusant de fornication ou tout autre acte ignoble. Celui qui fait cela a commis un très grand péché et une énorme injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cet acte ignoble en disant « Évitez les sept péchés destructeurs. » Les compagnons radiallahu anhu nous dit « Et quels sont ces péchés au messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors « Le polythéisme, c'est le fait d'associer quelque chose à Allah. » Ensuite la sorcellerie, le fait également de tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée sans raison légale. Le fait de manger l'intérêt, la riba, le fait de manger l'argent de l'orphelin. Le fait de fuir le jour de la bataille devant l'ennemi. Et le fait d'accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes et éloignées des actes immoraux rapportés par le Bukhari ou Muslim. Ayyuhal mu'minun, i'lamu anna min 'azim jurm hadha al-muflis انه يتناول اموال الناس بالظلم ويأكلها بالباطل يسبه طمعه الشديد ويؤذه شجعه الى المزيد لا يفرق بين مال حلال او حرام. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. رواه البخاري. وربما أكل أموال العباد بأخذها قرضا وسلفا وهو لا يلمي ردها إليهم. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. رواه البخاري. أو يكون اقتطعها بيمين فاجرة كاذبة من الناس لأجل الاغتناء يستطيع أن يحلف ويقسم على الكذب. وفي ذلك روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك يعني سواك. الحديث رواه مسلم. والأمر يكون عليه أشد حين يكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى هذا حديث قدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. رواه البخاري. Chers croyants, sachez que parmi les grands crimes commis par cet homme en faillite le jour de la résurrection, le fait qu'il ait dévoré les richesses des gens injustement et illicitement. Il est guidé par sa grande envie, il est guidé par sa convoitise, qui l'incite à augmenter ses richesses de n'importe quel moyen, ne faisant pas la différence entre le licite et l'illicite, le halal et le haram. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une époque arrivera où parmi les hommes, personne ne s'inquiétera de l'origine de ses gains, qu'ils émanent d'une source licite ou d'une source illicite, rapportée par Al-Bukhari. » Certains même dévorent les biens des gens en empruntant des sommes, en ayant l'intention cachée dès le départ de ne pas les rembourser. Abu Huraira, radiallahu anhu, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prend l'argent des gens en ayant l'intention de le rendre, Allah le rendra pour lui. Et celui qui prend l'argent des gens avec l'intention de le détruire, Allah le détruira, rapporté par Al-Bukhari. » Ou bien, il obtient une somme en jurant sur un mensonge. Parmi les gens, il y en a certains qui, pour s'enrichir, sont même capables de jurer par Allah Azza wa Jal sur un mensonge, sur une chose qui n'est pas vraie. Abu Umamah al-Bahili, radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque prive un musulman de son droit en utilisant un faux serment, Allah lui assurera l'enfer et le privera du paradis. Un homme a alors demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, même s'il s'agit de quelque chose d'infime au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il s'agissait d'une branche de harak, c'est-à-dire un bâton de siwak, le hadith est rapporté par Muslim. Et la situation sera pire encore lorsque ton adversaire ne sera pas celui que tu as lésé ici-bas, mais ton adversaire sera Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyam. Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith divin, trois personnes dont je serai l'ennemi le jour du jugement, un homme qui a donné pour moi ensuite a trahi, un homme qui a vendu quelqu'un qui est libre et a mangé le prix de sa vente, et un homme qui a pris un ouvrier qui a eu ce qu'il voulait de lui et ne lui a pas donné son salaire, rapporté par Al-Bukhari. Ibadallah. Wa kayfa yakunu halu adh-dhalimi حين يلقى الله تبارك وتعالى بدم سفكه بغير وجه حق فيريد المقتول القصاص منه عند أعدل العادلين وأحكم الحاكمين فيؤخذ لذلك المظلوم حقه من هذا الظالم لأنه تجرأ على حدود الله تبارك وتعالى ولم يعبأ بقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولعظم امر الدماء عند الله تبارك وتعالى كان اول ما يقضى بين الناس فيها. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء. متفق عليه. بل ان زوال الدنيا اهون عند الله تبارك وتعالى من قتل امرئ مسلم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في سعه من دينه ما لم يسل دما حرما. رواه البخاري. Chers serviteurs d'Allah, comment sera l'injuste lorsqu'il rencontrera Allah Azza wa Jal en ayant versé le sang d'une personne sans raison valable? Il a commis un assassinat. Et sa victime demandera vengeance auprès d'Allah le plus juste, Allah le plus sage. La victime prendra son droit de son agresseur car il a provoqué les limites d'Allah Azza wa Jal et n'a rien redouté lorsqu'il a retiré la vie. Allah nous dit dans le Coran, et nous allons citer un verset, il y en a d'autres. Allah nous dit: et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et prouve l'énorme gravité des droits du sang auprès d'Allah, c'est la première chose sur laquelle les gens seront jugés le jour de la résurrection. Les querelles entre les gens, la première chose sera sur le sang versé. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, la première chose pour laquelle les gens seront jugés est le sang versé, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la disparition de ce bas monde entièrement est moins grave pour Allah que le fait de tuer un homme musulman. Le hadith est rapporté par Ibn Majah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: le croyant trouve dans la religion la plus grande indulgence tant qu'il n'a pas fait couler le sang interdit. Rapporté par Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، إنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب نفسه ووزن بميزان الشرع أعماله وأقواله في الدنيا ووزن خطراته ولحظاته بميزان الشرع. ورب أقوام عملوا في الدنيا من الصالحات كثيرا غير أنهم ظلموا كثيرا فيحيط بهم خصماؤهم يوم القيامة حتى يأخذوا حسناتهم قصاصا في يوم يبدو فيه الفقر والخصاصة. فتشتد حسرتهم وتعظم ندامتهم والأمر لا يقف عند أخذ المظلوم من حسنات الظالم بل إن الظالم إذا فنيت حسناته أخذ من خطايا المظلومين فألقيت عليه ثم ألقي في النار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. Chers musulmans, sachez que personne ne sera sauvé de l'épreuve de la balance dans l'au-delà, sauf celui qui fait le bilan avec son âme ici-bas et juge ses faits et gestes selon la balance de la religion. Lorsque l'on veut dire quelque chose, on observe. Est-ce que c'est licite ou bien illicite? Lorsqu'on veut faire tel ou tel acte, on observe. Est-ce que c'est licite ou bien illicite? Car nombreux sont les gens qui font des bonnes œuvres ici-bas, mais ont commis des injustices et seront encerclés par leurs adversaires le jour de la résurrection. Ils obtiendront leur revanche et c'est alors que le regret apparaîtra. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme dans le hadith rapporté par Abu Huraira, que celui qui a commis une injustice à l'encontre de son frère, que ce soit dans son honneur ou d'une autre façon, lui demande pardon aujourd'hui. Si tu as été injuste auprès de ton frère, demande-lui pardon aujourd'hui, avant que n'arrive le jour où ni le dinar, ni le dirham. Car tu penses que ton frère va t'excuser dans l'au-delà? Dans l'au-delà, ton frère, il aura besoin de hasanet. Donc s'il peut prendre tes hasanet, il ne t'excusera pas. Donc demande-lui qu'il t'excuse ici-bas. Donc le prophète, il dit que celui qui a commis une injustice à l'encontre de son frère, que ce soit dans son honneur ou d'une autre façon, lui demande pardon aujourd'hui, avant que n'arrive le jour où ni le dinar, ni le dirham n'auront de valeur. Ainsi, s'il y a en sa faveur de bonnes œuvres, elles lui seront ôtées selon la gravité de son injustice. Par contre, s'il n'a pas de bonnes œuvres, il assumera les péchés de sa victime, rapportés par Al-Bukhari. Et alors, Ibadallah, أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى من سورة الزمر إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تكون الخصومة بين الناس عند الله تبارك وتعالى قال الزبير بن العوام رضي الله عنه أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا ما خواص الذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه فقال الزبير والله إن الأمر لشديد رواه أحمد فأعظم بشدة يوم لا يسامح فيه بخطوة ولا يتجاوز عن لطمة ولا كلمة قال عبد الله بن قديس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر العباد أو الناس غراة غرلا أي غير مقتولين بهما فقال وما بهما يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أن الملك أن الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى أقصه منه حتى لطمة يعني الضربة في الوجه قال قلنا كيف ذا وإنما نأتي الله غرلا بهما ليس معنا شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب رواه أحمد شسوي تعالى الله Sachez que lorsque le verset de Sourate Az-Zumar fut révélé, où Allah Azza wa Jal nous dit « En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. » Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, tout ce qui nous a opposé aux gens dans ce bas monde, aux pécheurs dans ce bas monde, est-ce que cela recommencera pour nous, toutes les querelles qu'on a pu avoir ici-bas, est-ce qu'on aura lieu dans l'au-delà? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, cela recommencera jusqu'à ce que chacun reçoive le droit qu'il mérite. Az-Zubayr dit ensuite, Wallahi, à mon avis, ce sera une situation pénible rapportée par Ahmed. Quel jour terrible, un jour où un pas ne sera pas excusé, où une gifle ne sera pas pardonnée ni une parole. Abdullah ibn Anais, radiallahu anhu, nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les créatures seront ressuscitées entièrement nues et non circoncis, ne possédant rien. Puis, il leur proclamera d'une voix qui sera entendue par les plus lointains ainsi que par les plus proches. Je suis le souverain absolu, je suis le juge suprême. Il n'est pas permis aux habitants du paradis d'entrer au paradis, ni aux gens de l'enfer d'entrer en enfer, si les gens ont des querelles non corrigées. Ne serait-ce que même une gifle. Les compagnons dirent alors, comment cela peut-il avoir lieu alors qu'on sera présenté à Allah Azza wa Jal, nu, non circoncis et ne possédant rien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, par les bonnes et les mauvaises actions. C'est-à-dire que si tu as fait du mal à ton frère qui n'a pas excusé, tu lui donneras de tes hasanats. Et si tu n'as plus de hasanats, il te donnera alors ses mauvaises actions. Puis le prophète récita le verset où Allah Azza wa Jal dit, ce jour-là, chacun sera rétribué selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes rapportés par Ahmed. فاتقوا الله عباد الله واتقوا مظالم الخلائق فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يدعن الله تبارك وتعالى ظالما إلا أن يقتص منه للمظلوم حتى البهائم التي لا تعقل سيقضي الله تبارك وتعالى بينها ويقتص لها ويقتص لها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد أو حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والجلحاء التي لا قرن لها رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا ساقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه فاحسبوا لذلك اليوم حسابه وأعدوا له عدته واحذروا أن تبخسوا الناس أشياءهم أو أن تأكلوا أموالهم أو تلوبوا أعراضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه شكرا عباد الله craignez donc Allah et craignez d'être la cause d'une injustice. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'injustice sera telle des ténèbres le jour de la résurrection. Et Allah ne laissera aucune injustice sans que sa victime ne soit vengée. Même les animaux qui n'ont pas la raison, Allah jugera entre eux. Abu Hurayra radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certainement, chacun de vous rendra son dû le jour de la résurrection au point que le mouton sans corps obtienne réparation du mouton cornu s'il l'a frappé avec ses cornes ici-bas, rapporté par Muslim. » Et Abdullah ibn Omar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une femme a été châtiée en enfer à cause d'une chatte. » La personne, elle pense que même être injuste auprès d'un animal, ça n'a aucune valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Une femme a été châtiée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée. Elle ne l'avait pas nourrie, ni abreuvée, et ne l'avait pas non plus laissée en liberté pour qu'elle mange les petites bêtes de la terre rapportées par Al-Bukhari et Muslim. » Préparez donc vos comptes pour ce jour. Préparez-vous à ce jour terrible et prenez garde de ne pas diminuer aux gens ce que vous leur devez ou de dévorer leurs biens ou de souiller leur honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit le jour du jugement et nous dit Votre Seigneur parlera à chacun d'entre vous sans qu'il n'y ait de traducteur entre vous. La personne regardera alors à sa droite et ne verra que ses actions, puis regardera alors à sa gauche et ne verra que ses actions, puis regardera alors devant lui et ne verra que le feu devant son visage. Donc craignez l'enfer, même si ce n'est qu'en donnant la moitié d'une date en aumône, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. As-salallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون هذا المسجد بأموالهم وأوقاتهم وأعمالهم ودعواتهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي أبنائهم وفي صحتهم وفي تجاراتهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا في مسجد لكلمير لإتمام بناء مسجدهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم عجل لهم إتمام البناء. اللهم عجل لهم إتمام البناء واجعل هذا المسجد خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من اعتدى عليهم. اللهم انصرهم على من اعتدى عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من المستضعفين من المسلمين في كل مكان في فلسطين وفي بورما وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.